Alors, bah, pour commencer, merci beaucoup aussi de l'invitation à venir présenter une partie de mon travail devant le séminaire. J'en profite pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour l'année 2017, puisqu'il est encore temps de le faire avant la fin du mois de janvier. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, le titre a changé. Je crois que je préférais celui d'avant. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le matériau suffisant pour traiter la question que je voulais traiter initialement, malgré qu'elle reste à mon avis très intéressante et que j'espère pouvoir encore en faire quelque chose malgré tout. Donc, en fait, je me suis placé d'un point de vue un peu plus général sur la routine ingénieur ou la routine hospitalière, en particulier à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Donc, je crois que c'est assez complémentaire en fait avec ce que tu viens de présenter, parce que moi, pour le coup, je m'intéresse plutôt au XXe siècle. Et puis pour le coup, je vais aller dans l'hôpital alors que c'était plutôt à l'extérieur. Donc comme je viens de le préciser, cette présentation s'inscrit dans le cadre d'un projet de thèse qui tend à établir une histoire sociale de la psychiatrie coloniale en Algérie. Et donc dans cette perspective, je suis en train de composer un échantillon de l'IMAD, donc il y a encore en cours d'établissement, donc évidemment il y a une grande partie des conclusions, enfin peut-être des hypothèses que j'émettrai ce soir qui sont encore provisoires, puisque ma base de données n'est pas encore terminée. Donc je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure sur la composition de cette base de données. Juste, en fait, avant de préparer l'intervention de ce soir, ce que j'ai commencé par faire, c'est tout simplement taper CTRL-F routine. Il n'y avait aucune occurrence. Pour le coup, ça ne m'a pas étonné énormément, mais j'ai essayé de faire la même chose avec Quotidien. Et j'en ai trouvé qu'une seule, et ça m'a surpris un petit peu plus. Donc, en l'occurrence, le terme de quotidien revient dans le cadre d'une malade, donc Marcel M, qui entre à l'hôpital psychiatrique de Blida le 27 décembre 1935, sous le matricule 835. Donc, elle arrive du service neuropsychiatrique de l'hôpital civil d'Alger. Elle a 27 ans au moment de son entrée à l'hôpital. Elle est décrite dans son dossier médical comme grasse avec de grosses lèvres. Au terme de l'entretien d'admission, le docteur Valet, donc est le médecin-chef de l'hôpital, établit un premier diagnostic de troubles mentaux se traduisant par une attitude inerte. Et 15 jours plus tard, donc selon la démarche habituelle, on a un deuxième diagnostic, donc le diagnostic de quinzaine qui est établi, dans le cadre du certificat de quinzaine, et qui donc indique la chose suivante: est atteinte de troubles mentaux à caractère dépressif, ne parle pas, ne mange pas, n'a parlé qu'une fois avec sa famille d'une mauresque qui l'aurait ensorcelée, ne garde pas la nourriture qu'on essaie de lui faire prendre, injection quotidienne, donc c'est là qu'on trouve le terme de quotidien, de sérum coré, état général défectueux, à maintenir. Donc évidemment, le cas de Marcel M permet de souligner le paradoxe que si les termes de routine et de quotidien sont absolument absents des termes qui sont utilisés par les médecins, le fait d'utiliser le quotidien pour analyser ces diagnostics est au contraire tout à fait pertinent, bah, comme le montre justement le cas de Marcel M, puisque ce qui est décrit ici dans ce diagnostic, c'est justement le comportement et l'attitude au quotidien de la malade, en particulier son rapport à l'alimentation et les soins qui lui sont appliqués donc au jour le jour au sein de l'hôpital. Donc justement, avant d'entrer plus en détail sur mes questionnements à ce propos, donc quelques mots sur l'hôpital psychiatrique de Blida pour resituer le contexte, donc afin d'avoir un aperçu un petit peu plus général. Donc en fait, au moment de l'arrivée de Marcel M à l'hôpital, donc l'hôpital est encore tout récent. Il a ouvert en 1933, donc à peine quelques années avant l'arrivée de Marcel M, et il est encore à ce moment-là le seul hôpital en fonctionnement sur le sol algérien. En fait, il le restera jusqu'en 1956, donc quasiment sur l'intégralité de la période qui m'intéresse. Donc ce qui fait aussi qu'il joue un rôle central dans mon étude, c'est que pour le coup, jusqu'en 1956, c'est le seul établissement psychiatrique qui accueille des malades en Algérie. Donc il est véritablement au centre du dispositif d'assistance mentale sur le sol algérien. En fait, ce qu'il faut savoir très brièvement sur la création du système d'assistance mentale en Algérie, c'est qu'elle a été très longtemps repoussée. En fait, dès la conquête, et dès les premiers moments de la conquête, donc dans les années 1830-1840, la création d'un hôpital, ou plutôt d'un asile à ce moment-là, en Algérie est évoquée. Et donc pour pallier ce manque d'institutions en Algérie, il y a un système d'évacuation vers la métropole qui est mis en place, donc dans un premier temps vers les asiles métropolitains du sud de la France, d'Aix-en-Provence et de Marseille, et puis progressivement avec l'augmentation du nombre de malades évacués. Donc il y a toute une série d'hôpitaux du sud de la France qui vont être concernés, donc je ne vais pas les détailler tous, ce serait trop fastidieux, mais ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on avance dans le 19e siècle. Donc en fait, un système qui était censé être provisoire va en fait perdurer pendant plus d'un siècle, puisque malgré la mobilisation de la communauté des hellénistes de part et d'autre de la Méditerranée, donc on a un échec successif de tous les projets qui sont soumis au cours de la période, juste donc au début des années 1930. Donc je passe sur les raisons qui font que le projet est enfin accepté. Il y a des questions de concurrence politique entre les trois départements et aussi des questions de coûts financiers qui font que le projet les projets sont refusés puis finalement acceptés. Alors le système qui met en place, c'est celui-là. Donc ça, c'est le système en théorie. Évidemment, un des enjeux du travail, c'est de voir comment en pratique, en fait, l'internement des malades ne suit pas nécessairement cette organisation. Donc l'idée est la suivante. Donc le système est organisé en trois lignes. Donc un des personnages influents dans l'organisation du système, c'est Antoine Porro, et en fait il se sert en partie de son expérience pendant la Grande Guerre et également à Tunis auparavant pour calquer ce qu'il a pu observer pendant la Grande Guerre sur le système d'assistance mentale en Algérie. Donc on a ici une première ligne, donc avec les hôpitaux civils d'Oran, d'Alger et de Constantine, donc dans lesquels vous avez un service de neuropsychiatrie. Donc c'est de là que vient Marcel M avant d'arriver à l'hôpital psychiatrique de Lydane. On a ici la deuxième ligne, donc, qui est justement l'HPV, et une troisième ligne qui est censée être composée de sections d'enfants normaux, d'hospices de Lillard et de dépôts de démons tranquilles. Donc là, comme on disait, c'est l'organisation théorique. En pratique, pardon. De démons tranquilles. En pratique, donc effectivement, il y a une majorité de malades qui suivent ce système, donc c'est-à-dire qui sont d'abord envoyés sur les services de première ligne, puis vers l'hôpital psychiatrique de Blida, mais on a aussi des malades qui arrivent directement à l'hôpital, et on a un système de va-et-vient entre les différentes lignes. Alors, l'hôpital psychiatrique de Blida donc, est construit à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger, donc à proximité de la ville de Blida, comme son nom l'indique, donc juste ici. Voilà, Alger, là, et Blida, ici. Donc, au pied des premiers contreforts de l'Atlas. Et pour le coup, ça, c'est un des privilèges de travailler sur l'Algérie. Quand on se rend sur place, et notamment en hiver, c'est assez magnifique. Donc, l'hôpital devait permettre, selon la répartition en trois lignes, d'accueillir les malades manifestement judiciables d'une mesure d'internement, en d'autres termes, dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, ou nécessitant un traitement psychiatrique de longue durée, alors que les services de première ligne étaient censés, pour le coup, faire le tri de malades et conserver uniquement les malades traitables sur une période de plus courte durée. Donc, considérant que Marcel M appartient à cette dernière catégorie, c'est justement pour ça que le médecin décide de l'envoyer, de la faire transférer vers l'hôpital psychiatrique de Blida. Donc, au moment de son hospitalisation, le système est encore balbutiant. En fait, on assiste aux premières étapes d'un vaste processus d'institutionnalisation de la maladie mentale en Algérie. Donc il faut savoir qu'au moment de l'arrivée de Marcel M, on n'a encore que quelques pavillons et une centaine de malades. À la fin de la période, il y en a plus de 2000 et on est sur une vingtaine de pavillons. Et entre les deux dates, j'ai plus de 10 000 malades qui passent par l'hôpital psychiatrique de Blida. Donc c'est ce processus d'institutionnalisation de la maladie mentale en Algérie qui m'intéresse dans le cadre de mon projet de recherche. Donc je m'intéresse à la fois aux acteurs qui sont multiples, et là je retrouve des acteurs qui sont assez proches de ceux qu'Anatole a évoqué tout à l'heure. Donc bien sûr, les médecins, le personnel soignant et les malades, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour de l'hôpital. Donc tu en as cité quelques-uns qui reviennent aussi, la police, les gardes champêtres sont aussi des acteurs qui m'intéressent. Donc une histoire aussi des institutions, donc qui composent les trois lignes du système. Non, ce serait bien que tu dures encore un peu. et une histoire des discours et des pratiques au pied du lit, donc avec une approche qui est aussi assez proche de celle de celle d'Anatole. Donc l'hôpital psychiatrique de Bida, comme les autres hôpitaux psychiatriques, peut être considéré derrière le sociologue américain Irving Goffman comme une institution totale. Donc je ne vais pas revenir sur le débat sur le terme de total ou totalitaire. Je trouve que, à mon sens, le terme de total est plus approprié que celui de totalitaire et surtout beaucoup moins connoté. Et donc, dans son ouvrage, donc, Asile, étude sur la condition sociale des malades mentaux, donc une enquête à partir d'une observation prolongée du comportement des malades internés dans les établissements nationaux, il établit donc la définition suivante. Oui, donc voilà une petite photo de l'hôpital psychiatrique de Bida en 1933, donc, une architecture pavillonnaire qui est assez particulière, mais je n'ai pas trop le temps de revenir sur ces dimensions architecturales. Et donc voilà la définition de la situation totale que donne Irving Goffman. Donc un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Donc ça renvoie à des éléments que tu as évoqués tout à l'heure en introduction. Donc en tant qu'institution totale, l'hôpital psychiatrique de Bida prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne des malades. Donc on en a eu un premier aperçu avec le cas de Marcel N., donc que ce soit l'alimentation, l'hygiène, les rapports avec les autres malades ou avec l'extérieur de l'hôpital. Et en fait, j'ai trouvé un élément intéressant dans la préface donc rédigée par Robert Castel du texte de Goffman. Donc Robert Castel précise que si les textes normatifs pèsent sur tous les temps forts de la vie des patients, l'institution psychiatrique laisse toutefois ce qu'il appelle de grandes plages de pseudo-liberté abandonnées au désœuvrement, à l'oisiveté, à l'ennui, mais aussi parfois au loisir, à la réflexion, à l'amitié. Et il complète en précisant que l'étude de cette temporalité spéciale mériterait à elle seule une analyse particulière. Et en fait, ce qui m'intéresse à travers la présentation que je vais vous faire maintenant, c'est justement ces plages de temps qu'on a entre notamment les repas ou les moments de la vie de l'hôpital qui sont directement précisés, alors qu'on a effectivement toute une série de plages horaires qui sont absolument pas qui sont beaucoup moins directement précisées. Je reviendrai sur ces éléments tout à l'heure. Donc quelles sources j'utilise pour pouvoir me livrer à une analyse de ces plages temporelles. Donc évidemment, les textes normatifs qui encadrent le quotidien de l'établissement sont extrêmement utiles à ce niveau-là. Il faut noter qu'on a une évolution de ces textes, puisque dans un premier temps, l'hôpital fonctionne sans règlement intérieur. Donc il y a toute une période de bricolage, puisque l'hôpital ouvre en fait sans que les constructions soient encore définitives. Et en fait, le premier règlement intérieur arrive en 1938, donc c'est-à-dire 5 ans après l'ouverture de l'hôpital. Donc il y a un décalage entre l'ouverture et le premier règlement intérieur. Et donc ce règlement est calqué sur celui d'un certain nombre d'hôpitaux métropolitains, et très rapidement, les médecins de l'hôpital regrettent le fait que le règlement intérieur ne soit pas adapté à la situation locale de l'Algérie. Donc ils font des demandes régulières pour que le règlement intérieur soit adapté, et finalement, on a un arrêté du 13 janvier 1942 qui met en application un nouveau règlement, donc le premier règlement du 1er mars 1942, qui doit codifier le fonctionnement de cet établissement. Et donc ce que j'ai essayé de faire à travers la présentation, c'est de confronter donc ces textes normatifs, donc évidemment les règlements intérieurs, également les décrets qui régissent le fonctionnement général et quotidien de l'hôpital psychiatrique de Bida, avec des textes de la pratique et en particulier les dossiers de malades. Donc quand je parle de dossier de malade, donc je parle de dossier au pluriel, donc je vais pas, j'ai pas le temps de détailler tous les dossiers qui m'intéressent, parce qu'en fait ils sont assez nombreux. Donc il y a un dossier principal qui est le dossier matricule, dans lequel on retrouve souvent toute une autre série de dossiers, donc notamment le dossier médical, dans certains cas un dossier d'administration des biens. Et puis, au fur et à mesure de la période, on a aussi des dossiers d'assurés sociaux. Donc, on a toute une série de dossiers comme ça qui composent ce dossier matricule. En l'occurrence, celui qui m'intéresse notamment à exploiter de façon quantitative, ce sont les dossiers médicaux, donc qui portent le nom de dossier de renseignements généraux dans un premier temps. Évidemment, l'évolution du terme de renseignements généraux à dossier médical n'est absolument pas anodine. Donc voilà comment ils sont composés. Donc on a en haut une partie qui concerne l'état civil du malade, donc avec son patronyme, le nom de son époux ou de son épouse s'il est marié, son lieu de naissance, son âge, le nom de ses parents, son lieu de domicile et sa date d'entrée à l'hôpital. Et après, on a donc toute une série de certificats, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le cas de Marcel M. Donc certificat d'admission, certificat de 24 heures, de quinzaine et de situation. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail des certificats, mais j'essaie de les intégrer dans ma base de données. Et après, donc on a à l'intérieur du dossier des observations médicales qui concernent donc le quotidien des malades, donc des pages d'observation qui varient effectivement en fonction des malades et de la période. Donc ces dossiers sont remplis par le personnel soignant, parce que c'est lui qui est en contact au jour le jour avec les malades, beaucoup plus que les psychiatres. Il faut savoir que dans les années 50, on a environ 400 malades par médecin, donc c'est très important. Et donc c'est le personnel soignant principalement qui est en interaction quotidienne avec les malades, beaucoup plus que les psychiatres. Alors que note le personnel soignant dans ses observations médicales? Alors justement, je me suis posé la question de savoir s'il notait l'ordinaire ou l'extraordinaire, au sens de ce qui sort de l'ordinaire. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, ce qui est noté dans les dossiers, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Et notamment, dans le cas d'événements particulièrement violents, qui peuvent être répertoriés dans les dossiers, j'ai quand même l'impression que, en observant la régularité des observations qui sont faites, on a un accès privilégié à ce qui se passe dans le quotidien des malades. Donc la confrontation de ces deux catégories de sources ouvre une série de questionnements qui vont donc jalonner la présentation de ce soir. D'une part, comment les comportements quotidiens des malades font l'objet d'une préoccupation particulière de la part des médecins de l'hôpital, et pourquoi et pour quelles raisons ils font l'objet de cette préoccupation. Donc ce sera l'objet de la première partie. Une deuxième série de questionnements sur le contenu des activités quotidiennes qui sont proposées aux malades, donc dans ces plages, entre notamment les phases de repas et de sommeil, et quelles sont les catégories pertinentes pour lire ces activités. Et donc là, mon idée, c'était de pas seulement envisager donc ces activités dans une perspective proprement coloniale, comme ça a été souvent le cas dans les travaux jusqu'à présent, c'est-à-dire que mon sentiment, c'est que l'histoire de la psychiatrie coloniale jusqu'à présent s'est principalement concentrée sur la psychiatrie à l'égard des malades indigènes. Or, en l'occurrence, à l'hôpital de psychiatrie de Blida, j'ai des populations européennes et indigènes qui sont pris en charge dans le même hôpital, donc dans des pavillons distincts mais par les mêmes médecins, ça n'aurait pas fait de sens de uniquement travailler sur les malades indigènes alors qu'ils sont pris en charge dans les mêmes institutions et par les mêmes médecins. Donc j'essaie de sortir de ce prisme-là, même certains travaux qui travaillent sur des hôpitaux mixtes continuent à se centrer uniquement sur les populations indigènes. Et donc, dans un troisième temps, j'ai tenté de voir comment les malades s'approprient ces activités quotidiennes et cette routine qui est imposée par l'institution, et comment ces occupations quotidiennes font l'objet de négociations permanentes entre les médecins, le personnel et les malades, avec cette idée de stratégie mise en place et de l'éventuelle agency de ces malades. Donc, dans un premier temps, un quotidien de l'hôpital extrêmement routinisé. Donc, comme je le soulignais en introduction, l'hôpital psychiatrique de Blida encadre et prend en charge tous les aspects de la vie quotidienne des malades, et en particulier donc le sommeil, l'alimentation, l'hygiène et les relations sociales. Donc le règlement intérieur du 1er mars 1942 que j'évoquais tout à l'heure comporte une section intitulée « Emploi de la journée », donc c'est la section numéro 18, et dans cette section, donc, on a plusieurs articles, notamment l'article 158, qui précise que les médecins règlent pour chaque période de l'année les heures de coucher et de lever des malades, et s'il y a lieu, les heures de sieste. Puis à l'article 159, on peut lire qu'une demi-heure est consacrée chaque matin à la toilette et aux soins individuels de propreté, et que les hospitalisés prennent au moins un grand bain et une douche de propreté par semaine. Donc l'organisation théorique de la journée est la suivante, d'après donc, un rapport du docteur Vallée en 1934. Donc le lever à 5h30, le petit déjeuner à 6h, le dîner à 10h30, le souper à 16h30 et le coucher à 19h en été et à 18h en hiver. Donc il faut inclure dans ce programme une demi-heure pour la toilette, donc comme je disais tout à l'heure, et éventuellement les visites des proches, donc le jeudi ou le dimanche de 14h à 16h, et les soins médicaux. Donc pendant les 30 années qui m'intéressent, on a une évolution de l'arsenal thérapeutique très importante, avec notamment l'émergence, je donne quelques exemples, de la cure insulinique, donc qui est un traitement développé dans les années 30, qui consiste en fait à créer un coma hypoglycémique par injection d'insuline, donc c'est des termes un peu techniques. En gros, on crée un coma chez le malade en faisant chuter son taux de sucre, puis on le fait sortir du coma en lui redonnant du sucre par sonde. Donc, je ne vais pas détailler toutes les évolutions de l'arsenal thérapeutique à disposition des médecins sur la période, et c'est aussi le cas pour les électrochocs, et certains de ces traitements sont particulièrement chronophages, et c'est notamment le cas de la cure insulinique, qui peut prendre plusieurs heures dans la journée pour les malades concernés. Donc il faut rajouter cet élément dans l'organisation concrète de la journée. Donc au total, en fonction des malades, on a une fourchette qui va de 2h à 6h qui sont occupées par les repas, les soins de propreté et les soins médicaux. Et donc il reste possiblement entre donc le lever et le coucher 6 à 9 heures où les malades sont sous la responsabilité du personnel de soins, donc sous sa surveillance, et donc une période pendant laquelle justement le personnel soignant a l'occasion d'observer leur comportement. Donc en fait, en constituant ma base de données, je me suis rendu compte de la récurrence dans les dossiers des observations sur les comportements des malades au jour le jour, donc sur la façon dont le malade se comporte dans les activités les plus quotidiennes, avec l'utilisation d'adjectifs évidemment pour décrire ses attitudes. Donc il y a quatre éléments qui semblent intéresser en priorité les médecins et les membres du personnel, donc qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir l'alimentation, le sommeil, l'hygiène et les interactions sociales. Donc en ce qui concerne les trois premiers éléments, les formulations sont souvent sur le mode binaire, à savoir, j'ai souvent dans les dossiers des formules du type « mange » ou « ne mange pas » ou entre parenthèses « refus d'aliments », « dort » ou « dort mal », »,« propre »,« mal propre »,« gâteux »,« débraillé ». Donc c'est des types de formulations que je peux retrouver. Dans le cas des comportements et des interactions entre malades ou avec le personnel soignant et les médecins, il y a une très grande diversité de verbes et d'adjectifs. Donc ça peut toucher par exemple le relationnel, donc parle seul, reste seul, s'isole. J'ai également des termes qui touchent directement à la sexualité, qui est une autre préoccupation importante du personnel. Et donc à ce niveau, le sexe du malade joue fortement dans les observations formulées. Donc les pratiques masturbatoires semblent être relevées sans distinction chez deux catégories de malades, mais les relations homosexuelles par exemple sont principalement attribuées aux hommes. C'est le cas de Mohamed H, donc un malade qui arrive à l'hôpital en 1940. Et donc, au mois d'octobre, on a les observations suivantes, donc très érotiques, invite crûment les autres malades à se satisfaire sur lui et trouve des clients, entre parenthèses, se masturbe. Chez les malades femmes, le personnel relève plutôt ce qu'il considère comme des risques d'atteinte à la moralité publique et leurs comportements vis-à-vis des hommes. Donc j'ai des mentions du type « relève sa robe » ou « interpelle les hommes qui passent derrière le grillage » puisqu'évidemment les pavillons masculins et féminins sont séparés. Donc les cadres normatifs moraux du personnel et des médecins pèsent fortement sur les malades. Et l'une des préoccupations majeures que je retrouve également, concerne l'agitation et la violence des malades. Toujours sur un positionnement assez binaire, donc calme ou agité avec quelques nuances possibles. Mais en ce qui concerne l'agitation, j'ai un champ lexical qui est beaucoup plus étendu que dans les autres domaines. Donc là, je retrouve toute une série d'adjectifs du type donc, hostile, irritable, coléreux, violent, grossier. Après, des verbes, donc cri, insulte, frappe, bat, querelle, mort, menace, agresse. Je retrouve le verbe lacérer aussi très régulièrement. Donc lacère son lit, lacère ses vêtements ou sa couverture. Et pour le coup, les adjectifs amélioratifs sur le comportement des malades sont présents, mais de façon, à mon avis, à mon sens, beaucoup moins, de façon beaucoup moins systématique. Donc j'ai des adjectifs du type gentil, aimable, enjoué ou coquette pour les femmes, mais qui reviennent de façon beaucoup moins systématique dans les dossiers. Et donc pour les médecins, l'ensemble de ces éléments peuvent être considérés comme des indices de l'évolution du maintien ou de la dégradation de l'état de santé du malade. L'agitation est d'ailleurs un critère de classification et répartition des malades au sein de l'hôpital, puisqu'il existe des pavillons pour malades agités. Donc on a un croisement entre l'état de santé du malade, son sexe et son origine ethnique en ce qui concerne le classement des malades à l'hôpital. Enfin, un autre élément du comportement social des malades qui est très présent, c'est sa capacité à s'occuper pendant les périodes de « liberté », entre guillemets, en particulier dans les cours ou les salles de jour des pavillons. Donc le terme « s'occupe » ou « ne s'occupe pas » apparaissent de façon très récurrente. Donc on a une évaluation de la capacité à s'occuper par lui-même et surtout à participer aux activités proposées dans le cadre de l'institution. Et donc j'en arrive ici à ma deuxième partie, à savoir quelles occupations sont proposées aux malades pendant ces plages temporelles. Donc l'occupation du malade au quotidien est une préoccupation là aussi essentielle des médecins. La question n'est évidemment pas nouvelle, elle est déjà posée par les analystes au 19e, elle est considérée comme un facteur important du traitement moral, en particulier dans la perspective d'un arsenal thérapeutique plus limité. Donc le problème est évoqué directement dans le rapport de fonctionnement de l'hôpital de l'année 1940, donc, qui est rédigé par les docteurs Porro, Sutter et Bardena, donc qui sont les docteurs de l'époque, donc ils écrivent la chose suivante. L'organisation des occupations à procurer aux malades constitue le chapitre capital du traitement moral. Lutter contre l'ennui qui résulte de l'oisiveté au cours de séjours prolongés dans un hôpital reste la préoccupation majeure du médecin. Combien de guérisons retardées, de récupérations compromises parce que les malades stagnent dans un désœuvrement propice aux ruminations mentales, à l'analyse morbide de leurs troubles, à la concentration sur des idées délirantes parasites. Donc dans cette perspective, la volonté des médecins est de proposer des activités aux malades pendant les phases qui ne sont pas occupées donc par les repas, les soins d'hygiène ou les soins médicaux. Donc dans les premiers temps de l'ouverture de l'hôpital, la question ne semble pas prioritaire, notamment pour le docteur Vallée, qui est le seul médecin-chef donc sur les premiers temps de l'hôpital. Donc avec l'arrivée de ces trois médecins que je viens de citer, donc au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc ces trois médecins décident de mettre en place des activités de façon plus systématique, donc des activités qui qualifient de distraction dans leur rapport, donc notamment distribuer des jeux de loto, de domino, de dames ou des cartes aux malades dans les quartiers. Il y a également l'apparition dans le règlement intérieur à la section donc occupation intellectuelle et distraction du fait de fumer à l'hôpital, donc qui relève aussi de ces occupations. Donc on a un article, l'article 191, qui précise que les aliénés hospitalisés à titre gratuit reçoivent sur leur demande et sur autorisation du médecin 300 grammes de tabac à priser ou 200 grammes de cigarettes par mois. Mais l'ensemble de ces occupations donc, sont considérées comme accessoires en comparaison d'une activité que les médecins considèrent comme primordiale, qui est le travail. Donc là encore, la volonté de faire travailler les malades n'est absolument pas nouvelle. C'est une problématique qui apparaît régulièrement dans les publications médicales depuis le 19e siècle, mais c'est une volonté qui est réaffirmée donc, dans le rapport de 1940 que je vous ai cité tout à l'heure. Donc un rapport qui indique la chose suivante. Le travail en particulier est le complément de la thérapeutique générale, l'essentiel de la cure morale. S'il constitue la pierre de touche de la réadaptation sociale des malades guéris, il n'a pas moins de valeur pour conserver chez les affaiblis un niveau d'affectivité, un niveau d'activité pardon, qui suspend le cours de leur déchéance en maintenant ou en ranimant les automatismes nécessaires. Donc on trouve l'idée de maintenir des automatismes qui fait directement écho à la définition de la routine que vous donniez dans le programme du séminaire, donc qui renvoie à la répétition d'actions ordinaires au quotidien, avec l'idée que les psychiatres attribuent une vertu positive à la répétition d'actions dans le cadre d'une activité de travail. Donc la question qui se pose évidemment, c'est quel travail proposer à quel malade ? Donc quelle est la teneur des travaux qui sont proposés aux malades ? Donc à ce niveau, l'article 175 du règlement intérieur de 1942 dresse la liste des travaux possibles attribués aux malades. Donc voici cette liste. Le travail comprend donc la participation aux soins du ménage et aux travaux des services généraux, les travaux de culture maraîchère et de jardinage, travaux de couture, travaux de buanderie et de repassage, travaux relatifs à l'entretien des bâtiments et du mobilier, travaux de terrassement et de construction, travaux agricoles, travaux industriels, ateliers divers, travaux dans les ménages des fonctionnaires et d'employés logés dans l'établissement. Donc on retrouve régulièrement dans les dossiers mention de ces différents travaux possibles, en particulier la première catégorie, donc est la catégorie la plus communément attribuée dans les dossiers. Et la question qui se pose évidemment, c'est à qui ces travaux et en fonction de quels éléments ces travaux sont attribués aux malades. Donc l'article 175, toujours lui, précise que le médecin chef de service désigne seul les aliénés pour les travaux et les services auxquels ils peuvent être occupés. Et donc trois critères interviennent principalement dans le choix des psychiatres. Premièrement, donc l'état de santé du malade. Deuxièmement, son sexe. Troisièmement, sa catégorie ethnique. Donc en ce qui concerne l'état de santé, donc je renvoie là aux observations que j'ai formulées précédemment sur les comportements et attitudes des malades au quotidien. Donc les malades considérés comme trop agités ne sont généralement pas considérés comme aptes à travailler à l'hôpital, puisque nécessitant une surveillance trop importante. Donc il faut garder en tête qu'une partie des malades ne sont absolument pas concernés par les remarques que je vais faire par la suite, et une partie des malades donc, passent la majorité de leur journée alités ou dans la cour ou les salles de jour, sans être considérés comme des malades travailleurs. Donc en 1938, sur une population totale de 1400 malades, on a une proportion d'un peu moins de 8% de malades, une proportion qui augmente régulièrement, puisqu'elle passe à 15% en 1940, puis à 25% en 1942. Donc le deuxième critère d'attribution, c'est le sexe des malades. Donc évidemment, quand on observe la liste des travaux, on peut imaginer que certaines activités sont directement attribuées par les médecins en fonction du sexe des malades. Et là, j'ai des observations qui m'ont surprise au départ, c'est-à-dire que, notamment pour la première catégorie, en fait, les soins de ménage et les travaux de services généraux sont attribués de façon indistincte aux hommes et aux femmes. Mais pour les autres activités, les distinctions sont beaucoup plus marquées, donc des distinctions qui recoupent une répartition sexuée des rôles sociaux, à savoir, donc évidemment, les ateliers de couture ou de buanderie sont plutôt réservés à des malades femmes, tandis que les travaux de terrassement dans les ateliers ou le jardin, les travaux agricoles sont destinés à des malades hommes. Et enfin, la catégorie intéressante, c'est la catégorie numéro 9, donc celle des travaux dans les ménages des fonctionnaires et d'employés logés dans l'établissement, qui est réservée à ceux qu'on considère comme des malades de confiance, puisqu'elle induit une relation particulière, et notamment l'entrée dans les pavillons des médecins. Et c'est notamment là le cas pour Marcel M. Donc on retrouve dans les observations de son dossier la chose suivante. Donc là on est à la date du 8 mai. Donc arrive en souriant, calme, s'occupe du ménage. Il a fallu lui faire du sérum glucosé pendant longtemps. Prenait un peu de café au lait le matin. Maintenant depuis un mois, marche bien. On a moins de difficultés depuis un peu plus longtemps. Mange bien. Actuellement bon appétit. Et le dit elle-même d'un air satisfait, visité par son mari, sa sœur. Puis le médecin continue. Est venu chez moi laver la vaisselle, docile, bonne volonté, mais capacité limitée, ne retrouve pas ses affaires, craint de ne pas retrouver son chemin. Et donc le dernier critère d'attribution, c'est celui de l'origine ethnique des malades. Et là encore, on a un certain nombre d'activités qui sont considérées comme mixtes et d'autres activités qui sont spécifiques, notamment aux malades indigènes. Donc notamment, en 1940, on a la création donc, d'un atelier de tressage du palmier nain et de l'alfa, donc une plante locale. Donc deux industries qui sont, je cite, toujours sur rapport, ne nécessitant ni de gros moyens intellectuels, ni des outils dangereux, et qui sont à la mesure des possibilités de nombreux malades indigènes. Donc ces ateliers sont destinés à la fabrication de nattes, de chapeaux ou d'espadrilles, comme l'indique donc la photographie juste ici. Et donc en ce qui concerne cette dimension et ce caractère ethnique de la répartition du travail à l'hôpital, donc je voudrais évoquer maintenant un élément particulier qui intervient après l'arrivée du docteur Franz Fanon à l'hôpital psychiatrique de Blida. Donc Franz Fanon qui est connu surtout pour la publication des Années de la Terre et en fait qui est un des médecins de l'hôpital psychiatrique de Blida. Donc évidemment moi j'essaie de replacer donc le parcours de Fanon dans le contexte plus général de l'hôpital. Et en fait pour moi Fanon c'est un des médecins de l'hôpital, donc j'essaie de d'historiciser son parcours et de le replacer dans le contexte plus général de l'hôpital de Blida. Donc il arrive à l'HPB à la fin de l'année 1953. Donc cette nomination intervient notamment après l'obtention d'un premier poste à l'hôpital psychiatrique de Pontorson, ainsi qu'un passage en tant qu'interne par l'établissement de Saint-Alban, en Lozère. Et donc c'est au sein de cette structure que Franz Fanon s'est familiarisé aux techniques thérapeutiques de la psychothérapie institutionnelle auprès du docteur François Tosquel. Donc je vais revenir sur cet élément de la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est un mouvement qui est porté par une frange réformatrice de la communauté neuropsychiatrique à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment, la famine qui touche les hôpitaux psychiatriques français joue un rôle important dans la représentation que les médecins se font de l'hôpital psychiatrique et dans cette volonté de faire évoluer la vie sociale au sein de l'hôpital. Et donc le mouvement de psychothérapie institutionnelle repose sur l'idée qu'il apparaît nécessaire de construire ou de reconstruire une vie sociale au sein de l'institution asilaire, et donc de prendre en compte tous les aspects de la vie sociale quotidienne des malades pour rompre l'isolement provoqué par l'internement. Donc Franz Fanon s'est familiarisé en tant qu'interne avec ce mouvement de psychothérapie institutionnelle à Saint-Alban, et à son arrivée à l'hôpital psychiatrique de Blida, il va tenter de mettre en place les observations qu'il a pu faire donc à Saint-Alban. Donc à son arrivée, Fanon se voit attribuer une division de l'établissement, donc il y en a cinq à son arrivée. Donc une division, c'est deux sections qui sont réparties sur trois pavillons. Donc la première se compose de 165 femmes européennes et la seconde de 220 hommes musulmans. Et c'est au sein de ces deux sections que le docteur Fanon entame une série de réformes qui touchent directement le quotidien des malades à l'hôpital. Donc en fait, on a une idée assez précise des réformes qui sont mises en place par Fanon dans ses pavillons par l'intermédiaire de la thèse d'un de ses internes, donc Jacques Azoulay, et à suivre la démonstration de Jacques Azoulay dans sa thèse. Donc les mesures prises dans la section des malades femmes européennes sont suivies de résultats rapides. À savoir, donc, Fanon, avec ses internes, met en place une série d'ateliers d'ergothérapie, donc de couture et de tricot. Il lance la création d'un journal dans lequel les malades sont censés contribuer régulièrement, donc un hebdomadaire. Et il lance également la création de commissions du type commission du cinéma ou commission des fêtes. Donc le succès de ces initiatives souligne, par contraste, les difficultés rencontrés dans les pavillons des malades hommes musulmans. Donc dans un premier temps, Fanon et ses internes attribuent ces difficultés au manque d'implication du personnel soignant. Puis, il mène une réflexion sur la possible inadaptation des activités proposées à ces malades. Avec l'idée, d'après eux, que les malades indigènes, s'ils répugnent en fait à s'investir dans les ateliers qui leur sont proposés, et notamment un atelier de tressage du raffia, c'est parce que ces activités sont considérées par ces malades comme des activités réservées aux femmes, alors que Fanon et Azoulay constatent notamment que les malades s'impliquent pleinement dans l'aménagement des abords des pavillons, donc dans des travaux d'un ordre différent. Et de ces observations, Fanon et Azoulay tirent la conclusion suivante, je cite, « Comment pouvait-on réaliser une sociothérapie d'inspiration occidentale dans un service d'aliénés musulmans ? En fait, une attitude révolutionnaire était indispensable car il fallait passer d'une position où l'universalisme de la culture occidentale était évidente à un relativisme culturel. » Et donc l'idée que Fanon va développer avec ses internes, c'est de proposer aux malades des travaux et des activités quotidiennes qui soient adaptées à leur environnement culturel. Et donc là, pour le coup, son action à l'hôpital psychiatrique de Buda est tout à fait particulière et assez inédite. Donc il fait venir notamment des conteurs et des musiciens locaux, et surtout, il décide de l'implantation au sein même d'un pavillon, d'un lieu de sociabilité masculine essentiel en Algérie, à savoir un café mort. Donc autant d'éléments qui posent bien sûr la question de l'appropriation par les malades de ces occupations qui leur sont proposées, et éventuellement des stratégies et des marges de manœuvre dont ils disposent dans cette perspective. Donc, j'en arrive donc à ma troisième et dernière partie. Donc il y a une question que je n'ai pas du tout évoquée, c'est les occupations quotidiennes spontanées des malades, donc, qui pourraient sembler échapper au contrôle de l'institution. Donc dans le cas de Mohamed B que j'ai évoqué tout à l'heure, donc, on a notamment une observation dans son dossier en mai 1942 qui nous indique la chose suivante. Donc s'occupe à l'extérieur, enjoué, quoique incohérent, puis il est précisé, joueur de flûte, donne des auditions aux autres malades. Donc là on a un cas effectivement d'activité spontanée, c'est-à-dire que c'est absolument pas une activité qui a été proposée par les médecins, mais c'est le malade spontanément qui a décidé donc de mener cette activité de musique et de proposer des auditions aux autres malades. Il se trouve que dans les observations que j'ai pu faire jusqu'à présent, ces activités spontanées sont assez rares, et dans le cas où elles existent, notamment j'ai des malades qui passent leur journée à collecter des bouts de ficelle ou des mouchoirs, ces activités sont souvent très contrôlées par le personnel soignant qui récupère ces objets à la fin de la journée. Donc je vais m'intéresser en fait plus largement aux attitudes des malades vis-à-vis des activités quotidiennes qui leur sont directement proposées par l'institution. Donc à terme, l'idée ce serait de tenter de dresser un panel des stratégies qui sont déployées par les malades depuis le refus de travailler, par exemple, jusqu'à l'appropriation de ces activités par les malades qui leur permettent de développer tout un tas de stratégies. Donc dans le cadre de la présentation, je vais plutôt m'intéresser à cette dernière attitude, à savoir que certains malades comprennent très rapidement l'intérêt qu'ils peuvent tirer en s'impliquant dans les activités quotidiennes qui leur sont proposées, et en particulier le travail. Donc l'institutionnalisation du travail au sein de l'hôpital contribue à installer ce qu'on pourrait considérer derrière Goffman comme un système de privilèges à destination des malades travailleurs. Donc en effet, ces malades bénéficient d'un certain nombre d'avantages vis-à-vis des autres malades. Donc, outre le fait qu'ils sont pris en charge dans des pavillons séparés, ils reçoivent également une collation entre le petit déjeuner et le dîner et un café au lait à 16 heures. Et ils reçoivent également un pécule qui, en 1934, s'élève à 1,50 francs par jour. Donc, somme à laquelle ils peuvent se procurer, donc, d'après les rapports, donc, des produits pour améliorer le quotidien, du type tabac ou date, ou capitaliser en vue de leur sortie. Donc une série d'avantages qui peut inciter certains malades à demander à travailler. Donc pour reprendre le cas de Mohamed B, donc une observation du 8 novembre 1939. Donc le dossier nous indique, se présente toujours après un salut militaire magnifique, se précipite et m'embrasse les mains, puis la tête, demande à travailler pour avoir des cigarettes. Donc au-delà de ces avantages matériels, les malades peuvent s'appuyer sur leur implication pour négocier avec les médecins. Donc pour les psychiatres, les malades dont le comportement est jugé positif au travail est un signe possible de l'amélioration de leur état de santé et d'une possible réintégration dans la société. Et donc évidemment, certains malades perçoivent assez vite les possibilités qu'ils peuvent en tirer et négocier avec le personnel ou les médecins afin d'obtenir ou d'accélérer leur sortie. Donc là, j'ai un cas particulièrement intéressant qui est celui de Léon V, donc, qui entre à l'hôpital en mars 1940. Donc, il est rapidement considéré comme un très bon travailleur, du fait notamment de son caractère ingénieux. Et le dossier précise notamment qu'il confectionne des sandales avec de l'alpha et des peaux de chat qu'il fait attraper par d'autres malades. Donc, son statut et ce caractère ingénieux que lui attribuent les malades lui permettent d'exercer une vraie influence sur le personnel. Et donc, dans ces conditions, il est progressivement autorisé à circuler seul dans le pavillon, ce qui n'est absolument pas le cas pour les autres malades, qui demeurent donc sous la surveillance du personnel pour toute entrée, sortie ou circulation à l'intérieur du pavillon. Et il en profite pour préparer une évasion qui est décrite donc à la date du 22 juin 1940, donc décrite de la façon suivante. Évasion hier soir avant 10h, en passant par une lucarne du bâtiment où loge le personnel. Évasion préparée soigneusement, a dévissé une fenêtre condamnée, une vis à défaire, a ouvert deux portes avec un manche de cuillère caché dans sa paillasse, s'est muni d'une sangle en guise de corde pour se laisser glisser de la deuxième terrasse, a certainement mis à profit sa parfaite connaissance des lieux acquise au cours des derniers mois où il circulait librement dans le pavillon. Donc là, on a là un exemple de cas où un malade travailleur donc, a acquis la confiance du personnel, circule librement dans le pavillon et en profite pour planifier une évasion. Donc Léon V est rattrapé, il réintègre l'hôpital, il s'évade une deuxième fois, il est à nouveau réintégré. Et malgré cela, son comportement au travail lui fait à nouveau bénéficier d'un régime particulier, jusqu'à ce qu'il soit cette fois soupçonné de participer à une affaire de vol de linge qui va toucher l'hôpital en 1942. Donc on a une nouvelle opération à la date du 23 mai 1942 qui nous dit la chose suivante. Différents vols ayant été commis dans les quartiers, draps, vêtements, la complicité probable de V a été évoquée. En fait, V était arrivé à jouir d'une certaine liberté en impressionnant le personnel et en lui faisant croire que le médecin lui laissait toute latitude. Des infirmiers lui ont vu un jour, il y a un mois, un passe médical en main. Il se vantait de le tenir du docteur Sutter. Ceci est évidemment inexact. Il indique aujourd'hui que c'est un interne qui l'avait chargé d'une commission. Le soir du 19 mai, un vol de drap a été signalé. On constate que V ne peut indiquer l'emploi de son temps entre 17h et 18h30. Les draps sont retrouvés quelques jours plus tard, près de la mosquée. Et donc malgré ces soupçons, donc Léon V va par la suite parvenir de nouveau à négocier un supplément de régime alimentaire en échange d'un travail au pavillon. Et pour terminer sur le cas de Léon V, évidemment, c'est un cas qui n'est absolument pas représentatif de l'ensemble des malades de l'hôpital, comme celui de Marcel V ou de Mohamed B, ou des stratégies qui peuvent être déployées par l'ensemble des malades. On peut même considérer que le cas de Léon V est plutôt exceptionnel à ce niveau. Mais il permet de souligner l'intérêt d'une approche par le quotidien de l'institution qui permet de replacer les malades au sein du processus d'internement et d'envisager les stratégies et les marges de manœuvre qu'ils peuvent déployer. Donc sans remettre évidemment en question la dimension de contrôle social et de contrôle social et moral exercé par l'institution, les cas évoqués dans la présentation permettent donc malgré tout de complexifier le tableau de la réalité sociale dans un hôpital psychiatrique en situation coloniale. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup.